Farineux ou La fausse monnaie de Charles Ferdinand Ramu. Enregistré par Christiane Johan. Chapitre 1. Et le père Fontana a continué à dire des choses à voix basse aux deux hommes qui étaient avec lui dans le café Critin à Miège. Oui, il hochait lentement la tête. C'étaient les nommés Ardeva et Charan. Oui, a continué Fontana, parce que je dis, moi, que son or est meilleur que celui du gouvernement, et je dis qu'il a le droit de faire de la fausse monnaie si elle est plus vraie que la vraie. Est-ce que ce qui fait la valeur des pièces, c'est les images qui sont dessus ou quoi? Ces demoiselles, ces femmes nues ou pas nues, les couronnes, les écussons, ou bien les inscriptions, peut-être? Ou bien leurs chiffres, disait-il. Les chiffres qui met le gouvernement. Les inscriptions, on s'en fout, pas vrai? Et les chiffres aussi, on s'en fout. Ça ne serait pas la première fois que le gouvernement vous tromperait sur la valeur et sur le poids, tout aussi bien qu'un particulier. Demandez seulement à ceux qui s'y connaissent. Le gouvernement vous dit « cette pièce valait tant, eh bien maintenant, elle vaudra tant ». Ça s'est vu, ça peut se revoir. C'est moins honnête que Farinet, les gouvernements, parce qu'à lui, ce qu'on lui paie, c'est en quoi ces pièces sont faites, et à eux, c'est ce qui est dessus. Il s'était mis à parler de plus en plus fort, sans s'en douter. Puis, s'est-tu, brusquement, jetant un regard par-dessus son épaule gauche, du côté de la porte. Il avait eu peur, sans doute, qu'on ne fût entré sans qu'il y eût pris garde pendant qu'il tenait son discours, mais il a vu que non, dans la fumée. Il est vrai qu'il n'était encore que 5 heures et que ce n'est pas l'heure où les clients abondent, à cause qu'ils sont plutôt dans leurs vignes, dans leurs champs ou dans leurs jardins. Si bien que la salle à boire restait vide, avec ses 2 rangées de tables qui allaient jusqu'à la fenêtre, dans une espèce de brouillard où on ne les distinguait qu'assez mal. Et rassuré, Fontana tira sur sa pipe par 2 fois en creusant les joues. Il a pris son verre, puis a trinqué. Les 2 autres n'avaient rien dit. Ils tiraient aussi sur leurs pipes à couvercle de laiton. De temps en temps, ils hochaient la tête. Ils avaient les coudes sur la table, ils se taisaient. Sans doute qu'ils attendaient la suite du discours de Fontana, lequel en effet n'était pas fini, c'est bien ce que Fontana a vu. Alors, il a regardé prudemment, encore une fois, par-dessus son épaule, ayant en face de lui le mur, et à sa droite également le mur, puis, baissant la voix tout de même, par un surcroît de précaution, et bien qu'il sût que le patron était un homme sûr et dévoué à Farinet, si par hasard le patron, lui, pouvait entendre. « Et si vous dites que Farinet, c'est du Genêt, moi je veux bien. Mais de qui est-ce qu'il tient son secret? Qui est-ce qui lui a montré les cachettes? Le père sage avait des papiers. » Et même, il me les a montrés, et je les ai vus. Ça venait de Paris, oui, de Paris, et de Genève. Des certificats, ça s'appelle. Il avait envoyé là-bas de sa poudre pour l'expertiser. Eh bien, ce qu'il y avait sur ses papiers, c'est que... Il s'arrête, puis il prononce les 3 mots, bien séparément. Ça en était. Il s'arrête. C'était sur ses papiers, et c'est des messieurs, vous comprenez, c'est du monde qui s'y entend quand même mieux que nous, c'est des gens du métier, des savants, des auteurs de livres, des philosophes. Ils ont dit, c'est pur or, et rien que pur or. Ils l'ont écrit, c'est sur ses certificats. Et vous comprenez, ces certificats, c'est Farinet qui les a maintenant. La seule différence, c'est que Sage gardait son or en poudre, et que lui en a fait des pièces, mais ça le regarde. Si elles ne sont pas toujours bien faites, c'est qu'il n'a pas tous les outils qu'il faudrait. Mais la matière y est. Et je vous dis que c'est une chose qu'il fait bonne à voir sous sa paillasse ou sous une pierre dans son jardin, pour l'occasion. Une chose qui ne vieillit pas, qui ne pourrit, ni ne se gâte, qui ne change pas de couleur, qui ne change pas de poids. Une chose fixe, quoi, quand toutes les autres ne sont pas fixes. Une chose pas seulement d'aujourd'hui, ni d'hier ou de demain, mais de toujours, vieille comme le monde, et qui durera autant que le monde. Et alors, on aurait de l'or dans la commune, et on le laisserait où il est, sans l'utiliser. Est-ce raisonnable? D'abord, moi j'en ai. Je ne le cache pas. J'en ai pour 100 francs. Et toi, Ardeva? Ardeva avait fait signe de la tête qu'il en avait. Tu vois bien. Et toi, Charan? Charan a souri. Oh, tout le monde en a. C'est une chose en règle. « Alors, est-ce juste qu'il soit en prison et qu'on l'y laisse ?» a dit Fontana. « C'est les voleurs qu'on met en prison. Lui, c'est le contraire d'un voleur. Demande seulement au patron. » Il appelle. « Hé, patron !» il disait. « On va lui demander s'il n'en a pas, lui aussi. Et pour combien ? Car c'est lui qui en a le plus. Depuis le temps que Farinet lui paie ses consommations avec ses pièces, Critin en a pour au moins 1 000 francs. On va lui demander. On est ici entre amis, rien qu'entre amis et gens de confiance. Hé, patron, pourquoi est-ce qu'il ne vient pas ? On s'étonnait, en effet, que Critin ne fût pas encore venu, comme il faisait d'ordinaire, boire un verre avec nous. Et Ardeva se lève. Ardeva ouvre la porte qui donnait sur le corridor, mais, à ce même moment, la porte qui donnait sur la rue, à l'autre bout du corridor, s'était ouverte. Et une femme était entrée, plus très jeune autant qu'on en pouvait juger, un chapeau sur la tête, une valise à la main, tout habillée de noir, mais blanche de poussière jusqu'aux genoux, qui, voyant Ardeva, s'arrête. Ce jour-là, à Miège, dans le pied des rochers, un peu au-dessus de la plaine du Rhône, derrière les murs de Miège qui brillaient au soleil, dans ce corridor, une femme qui entre et voit Ardeva. Mais voilà que Critin, en même temps, était sorti de sa cuisine. « Ah, c'est vous, je vous attendais !» Pendant qu'il s'était approché d'elle, puis, apercevant Ardeva, « Ne t'en va pas, c'est Joséphine. Tu ne te rappelles pas ? Elle a été en service ici, il y a 2 ans. » Il disait à Joséphine, « Entrez un moment dans la salle à boire. Il y a des clients que vous connaissez bien. » Et, l'ayant fait entrer, « Eh bien, Fontana, vous vous remettez ? Et toi, Chara, tu te remets ? Joséphine !»« Ah !» dit Fontana, « Bien sûr !» Et lui tendant la main, « Comment ça va ? Alors, on vient de loin, comme ça. Ah, de Sion ! Ah » a-t-il dit. « Et comment ça va-t-il à Sion ?» Elle a dit, « Ça va bien. » C'est même la seule chose qu'elle ait dite, parce qu'alors Critin lui avait demandé si elle ne voulait pas monter dans sa chambre. Il l'a accompagnée jusque dans sa chambre, puis est revenu dans la salle à boire, et là, il disait drôlement, « Oui, je l'ai reprise, parce que je crois qu'il va se passer quelque chose, et bientôt, » dit-il, « mais n'en parlez pas. » Et Fontana, « C'est Farinet, justement, on parlait de lui. » Mais Critin a cligné de l'œil. Chapitre 2. Or, cette même nuit, en effet, peu après que l'horloge de la cathédrale eut sonné ses 12 coups, Farinet n'avait point fait de bruit, mais il avait quitté le cadre en bois de chêne scellé au mur où il couchait sur une paillasse. Le gardien-chef qui avait fait sa tournée un moment avant, ayant rabattu le guichet grillagé qui ouvrait à l'extérieur dans la porte doublée de fer, l'avait encore vu, étendu bien sagement, sous sa couverture. Il avait été dormir, lui aussi. C'était peu après les 12 coups de minuit. Farinet s'était mis assis sur sa paillasse. Il n'avait pas bougé d'un long moment. Il a été prudent et calculateur, comme il l'était en toutes choses. Longtemps, il était resté immobile, ayant à s'assurer d'abord que tout était tranquille dans le bâtiment des galères, qui est le nom qu'on donne dans le pays à la prison. Il n'avait rien entendu, il n'avait eu qu'à écarter ses couvertures. Peu après minuit, il se lève, il va à pieds nus à la meurtrière qui était percée dans le mur, il se hisse jusqu'à elle à la force des bras, ayant empoigné un des barreaux, puis, arc-bouté dans l'épaisseur de la pierre, comme un ramoneur dans sa cheminée, il s'était remis à son travail. On n'a jamais bien su comment il s'était procuré cette lime à métaux, mais il était facile de voir qu'il s'en était déjà servi, les barreaux étant sciés aux 3/4. Et sa lime s'était remise à tousser ou faisait un bruit de respiration comme quand quelqu'un a de l'asthme. De temps en temps, elle s'arrêtait, mais tout continuait à être tranquille dans les galères. Alors, la lime repartait. C'est ainsi que le premier barreau avait été bientôt complètement scié, puis le second. Ils étaient pourtant robustes tous deux, parce que forgés au marteau sur l'enclume, dans le vieux temps, quand on savait encore ce que c'était que forger. N'empêche qu'ils étaient maintenant coupés à leur sommet et à ras de la pierre l'un et l'autre. Car Farinet avait décidé de leur laisser le plus de longueur possible, de manière à avoir du jeu pour les ployer. Il est resté encore un instant sans plus faire aucun mouvement, ayant dû d'abord laisser taire le bruit de son cœur. Il buvait sa sueur salée avec la langue au coin de ses lèvres, et, coulant le long de sa nuque, elle lui collait sa chemise sur la peau. Il était maintenant coupé par la lumière de la lune à la hauteur de la ceinture. C'était le bas de sa personne qui était éclairé par elle. Le bas de sa personne était comme de la glace, tandis que ses mains et sa tête étaient comme du feu. « Ça ne fait rien. On va leur montrer qui on est. » Il a attendu tant qu'il a fallu, avec patience, guettant d'une oreille les bruits qui auraient pu se faire entendre à l'intérieur de la prison, de l'autre oreille ceux du dehors ou qui auraient pu s'y produire, mais c'était seulement un cheval qui toussait là-bas, de l'autre côté du mur de la cour, puis l'horloge de la cathédrale qui avait sonné 1 heure du matin. Il se suspend à l'un des barreaux des deux mains, il se laisse retomber. Ah, ils ont cru m'avoir. La barre cédait sous son poids. Ah, ils ont cru qu'ils allaient me garder encore 6 mois dans leur galère. Ils ne savaient pas qui je suis. Le roi d'Italie non plus, Humbert Ier, ne le savait pas. Il l'a su. Déjà, Farinet passait au second barreau, ne sentant même point que le sang lui coulait le long du bras jusqu'à l'aisselle. Le second barreau venait de céder également. L'un et l'autre faisaient maintenant une sorte de crochet, à la courbure inclinée vers le sol, laissant tout juste au-dessus d'eux la place qu'il fallait pour passer. Une place réduite, il est vrai, et même réduite à l'extrême, où on ne pouvait engager le corps que dans le sens de la longueur. Mais ça le connaissait un peu. On n'a pas couru la montagne depuis tout petit sans avoir appris comment faire, puis la liberté l'attendait là, tout près, et entrait jusqu'à lui avec la lumière de la lune, lui disant « Tu y es presque, Farinet, encore un petit effort, c'est ça !» Elle lui disait « À présent, tu n'as plus qu'à nouer la corde, c'est ça, tu fais 2 nœuds, n'aie pas peur !» Il n'avait pas peur, car c'était vrai qu'on l'aimait bien, et les choses aussi l'aimaient bien. Il n'avait pas eu besoin, comme tant de prisonniers dont on lit l'histoire dans les livres, de découper en bandes la toile de sa paillasse. Il avait une corde, une vraie, une corde faite de bon chanvre, qui était juste de la longueur qu'il fallait, c'est-à-dire 8 mètres environ. On l'aimait bien, on s'occupait de lui. Il voyait que même les choses avaient de l'affection pour lui, parce que, ayant donc fixé la corde par un double nœud à l'un des barreaux, c'est juste à ce moment qu'un nuage avait passé devant la lune. Les galères sont dans le haut de la ville, où elles dressent leurs grands murs nus, et ainsi sa personne aurait pu être facilement aperçue, se démenant en sombre sur la façade claire, s'il n'y avait eu de la lune. Mais il n'y en avait point eu. Elle avait dit « Je ne veux pas te gêner ». En même temps, elle se retirait derrière un gros nuage noir. Il s'est laissé descendre le long du mur dans une nuit profonde, sans pouvoir être distingué d'elle. Il n'a eu qu'à se confier à la corde jusqu'à son extrémité pour toucher terre. Il ne pensait plus à rien. Tout s'est passé avec une grande rapidité. Les mouvements qu'il faisait, c'est comme si quelqu'un les faisait pour lui. Ils se succédaient si rapidement qu'il n'avait même plus le temps de s'en rendre compte. Arrivé ensuite au bas de la corde, ses pas ont été parfaitement silencieux. Il a été comme dans le fond d'un puits. Et c'était le chemin de ronde, pas large. 4 ou 5 pas à faire, tout au plus. Il les a faits, en silence, dans la plus grande obscurité. La lune, au-dessus de tous les clochers de Sion et de l'évêché, disait « Je me cache ». Lui se porte avec ses pieds silencieux dans le pied du mur d'enceinte, qui est haut de 5 ou 6 mètres. Mais ça le connaît. C'est tout à fait comme quand on allait chercher l'or, comme quand on allait chasser les chamois, et on arrivait dans le bout d'une vire. Alors, pas moyen de s'en retourner, pas moyen de continuer, pas moyen non plus de descendre. C'est sur ces corniches larges comme les 2 mains où on s'engage, puis elles viennent à rien tout à coup dans le vide avec des vaches pas plus grosses que des bêtes à bon Dieu qu'on a entre les jambes à 400 mètres plus bas. Ici, il riait en lui-même, « Oh, ils croient m'arrêter peut-être avec leur pauvre maçonnerie, quand le grand maçon lui-même n'y a rien pu. » Et allait demander également au roi d'Italie, le roi, Humbert Ier, vous savez bien, quand il voulait me garder chez lui. Il avait des murs, lui aussi. À quoi est-ce que ça lui a servi? Avec le bout des doigts de ses mains, il a trouvé au-dessus de sa tête une fissure. Avec le bout de ses doigts de pied, il a trouvé une autre fissure dans le mur du gouvernement. Il se colle à la pierre le plus étroitement qu'il peut, le bras levé. L'autre bras, alors, va chercher plus haut, se fixe à son tour et rejoint par le premier. Il tire sur eux en cédant du genou. Ainsi, il est arrivé sur le faîte du mur pendant que Sion dormait. Il a jeté par-dessus le mur le bras gauche. Il s'y est couché à plat ventre. Ça y est, le roi d'Italie! 2 ou 3 mots, toujours les mêmes, lui chantaient dans la tête pendant qu'un fleuve chaud allait de ses tempes à ses oreilles, où il faisait une grande rumeur, mais agréable maintenant. C'était comme si on criait bravo. « Le roi d'Italie, le roi d'Italie !» De nouveau, le cheval avait toussé. L'horloge, ensuite, sonne de nouveau un coup. C'était cette fois sur la cloche claire, parce que la plus sourde sert à donner les coups de l'heure, et la claire, ceux de la demie. Alors Farinet s'était rappelé que son ouvrage n'était pas encore tout à fait fini. Il était monté à travers les vignes, puis il s'était laissé tomber dans l'herbe, sous un pommier. Il respirait l'air de la liberté avec toute sa poitrine, il tend la main, il sent sous sa main, à travers l'étoffe de son pantalon, l'herbe mouillée. Levant alors la tête, il a réaperçu les étoiles, pouvant voir maintenant le ciel dans toute son étendue. Et c'est bon, et c'est beau. Il avait d'abord marché très vite, et plutôt couru que marché, grimpant à la côte pierreuse entre les souches couvertes de pousses qu'on venait d'attacher, ou dans le fond des fossés qu'on creuse pour les provignages, lesquels lui avaient fourni ainsi d'abord de recouverts. Il n'avait pas eu le temps de penser à rien dans son pantalon de forçat, étant seulement préoccupé que ce pantalon ne fût pas vu, et économisant son souffle. Mais à présent, une branche de pommier est au-dessus de lui, et il y en a une autre qui pend devant lui et le cache. Il regarde, il voyait que la pente raide commençait juste sous sa personne, tombant là brusquement avec ses vignes culbutées. Alors, il y avait dans le bas le large fond plat de la vallée, ou un peu plus loin, et le Rhône, tandis que tout Sion était entre le Rhône et lui. L'ensemble se présentait peu à peu, à mesure que ses yeux s'y habituaient, dans l'absence de toute lumière, ce qui le rassurait aussi, comme taillé à coups de ciseaux dans de la pierre noire, y compris les hauteurs de Valère et de Tourbillon, mais moins hautes qu'il n'était lui-même. L'église, qui est au sommet de celle-là, et le château, qui est au sommet de celle-ci, étaient tous deux au-dessous de lui, tellement il était déjà monté. À présent, il commençait à rire, et s'étant assis, admirait comment toute une ville, avec un évêque, un gouvernement, un château, deux châteaux, des tours, 7 ou 8 églises, un tribunal, des juges, un jugement rendu, des gendarmes et des geôliers, n'avaient pas pu le retenir, toutes ces choses et ces personnes mises ensemble, tandis que lui était tout seul, contre elles toutes. Il était seul, eux, 4 ou 5 000. Mais c'est que leur justice ne vaut rien, leur justice est de l'injustice. C'est aussi qu'on a pour nous le goût de la liberté. Eux vivent petits là-dessous, ils vivent étroits, ils vivent faux, pendant qu'ils regardaient toujours de haut en bas. Ils vivent couchés dans des lits, pendant qu'ils sentaient sous sa main l'herbe devenir toute mouillée, et elle était pleine de fleurs qui recommençaient à sentir bon. Adieu alors, vous autres, vous d'en bas, chacun sa vie. Ils sont morts pour 2 heures encore, et j'ai tout le temps pendant qu'ils sont morts. Ils ont voulu m'empêcher de vivre parce que j'ai ma vie, à moi. « Hardi » crie-t-il dans son cœur, « Hardi, et à bientôt la suite !» Mais pour l'instant, repos, parce que tout va bien, mais c'est qu'on a bien calculé. Il tâte son corps dans l'herbe haute, touche ses pieds nus, ses genoux, le gros pantalon d'uniforme à rayures, la toile de chanvre pleine d'écorce de sa chemise d'uniforme, mais dessous, il y a moi, et c'est moi qu'il y a dessous. Il se laisse aller en arrière, il se laisse aller en arrière de tout son corps, contre la bonne terre, il la touche de partout, il s'applique à elle avec tout lui-même, le derrière du crâne, l'os de la nuque, les 2 épaules, les cuisses, le mollet, le talon. Il voit que rien n'a encore bougé dans les galères, il voit aussi que les étoiles commencent à pâlir entre les branches du pommier, et plus en avant dans le ciel dont la courbure commence à se défaire. Et dessous, il y a les montagnes dont le nombre croît, au contraire, à mesure que la nuit s'en va. Il s'est assis, il cherche à les compter. Elles percent partout comme des dents dans la gencive, avec leurs pointes qui sont blanches, toujours plus nombreuses, les unes devant les autres, en demi-cercle. En voilà une autre, ça en fait 20, 30, 100, 500, combien ? Et la tête lui tourne, mais il rit. C'est à moi de nouveau. Il regarde les choses de la terre qui renaissent à la bonne vie. Ici, là-bas, plus loin, à droite et à gauche, partout, les brins d'herbe qu'on voit à peu près, les toits qui se séparent les uns des autres, un clocher, 3, 4, 5, le Rhône, la route dans la plaine, c'est à moi. Et puis toutes les montagnes au-dessus de lui, tandis que les étoiles, une à une, s'éteignent. Alors le coq chante, pendant que dans le haut de la vallée, au-dessus des montagnes blanches, une sorte de brume pâle montait dans le ciel. Il s'était mis debout. Il allait vite. Il ne sentait pas les pierres. Il ne sentait pas le piquant des chaumes, ni les épines des buissons. Il pensait seulement « attention », parce qu'il regardait aussi les trous par où sortaient ses genoux. Il regardait son pantalon et sa couleur, car il avait maintenant une couleur, et on voyait qu'il était jaune, avec une large bande noire. Mais les villages sont rares sur ces pentes trop raides, dans ce pays à la terre pauvre et trop penchée que des torrents qui tombent du haut de la chaîne coupent encore de leur gorge. Il en connaissait tous les sentiers, toutes les cachettes. Il en connaissait une à une toutes les maisons, un à un tous les fenils, tous les espaces bâtis et pas bâtis, cultivés et pas cultivés. D'ailleurs, il n'était plus très loin déjà d'être arrivé. Un dernier ravin se présente. Il a seulement évité de s'engager sur le chemin qui le franchissait au moyen d'un pont. Il a pris un peu plus en amont, ayant grimpé à un talus qu'une haie bordait dans le haut. Il s'est avancé jusque derrière la haie. À 100 mètres devant lui, il y avait une maison. Le soleil venait d'en frapper le toit, dont les plaques d'ardoise s'étaient mises à briller. En même temps, une petite fumée bleue est sortie par l'ouverture de la large cheminée, à couvercle levé, montant dans le doré de l'air joyeusement, pendant qu'un chien courant était attaché devant la porte à une chaîne beaucoup trop grosse pour lui. De derrière la haie, Farinet siffle à 3 reprises entre ses doigts. Il siffle d'une certaine façon à 3 reprises derrière sa haie, et l'homme qui s'était montré dans l'encadrement de la porte pose tout à coup par terre son seau de bois, tournant la tête dans la direction d'où les coups de sifflet étaient venus, puis s'avance dans cette direction, ayant fait taire le chien qui pleurait pour le suivre.